joue avec lui là. C'est qui c'est lui? Je sais pas qui c'est lui. Tu joues pas avec lui là. Thank you. Thank you. Thank you.